On va parler de judo. Marie Besson de Dolbeau-Mistassini s'est battue la semaine dernière en championnat du monde contre la première sommet numéro 1 à Abu Dhabi. Question de savoir davantage comment ça s'est passé. On lui parle. Salut Marie. Salut. Marie, comment d'abord, comment t'as fait pour aller te battre contre la première au monde? C'est pas rien là, ce qui s'est passé là. Hein? Ben, en fait, c'est pas comme nous qui décide quand on va, parce que quand il y a un tirage, puis ça a donné que j'ai pas vraiment été chanceuse, puis je me battais contre une des meilleures en premier combat. OK. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as dit en dehors des ondes, j'ai perdu, mais je me suis très, très bien battue. Ouais, c'est ça. Ben, là, je savais que je me battais contre une série vraiment bonne, fait que je me suis dit, je vais juste essayer de faire le meilleur judo que je peux. Puis là, je suis arrivée, puis j'ai fait un point. OK. Là, j'ai quand même été un peu surprise, comme d'avoir fait tomber comme une des meilleures au monde. Mais après ça, elle m'a rebattue au sol par après, mais c'est quand même bon parce que j'ai réussi à la faire tomber. OK, OK. Mais donc, tu as réussi à faire tomber. J'imagine que tu as pris beaucoup, beaucoup d'expérience à ce niveau-là. Oui, beaucoup. OK. Qu'est-ce que, selon toi, là, tu t'es battu contre la meilleure au monde? Là. Qu'est-ce qui te manque, selon toi, pour monter d'échelon encore? Ben, peut-être faire plus de compétition internationale parce que eux autres qui habitent en Europe, ils font beaucoup de Coupes d'Europe, de Coupes du Monde, puis ils ont beaucoup plus d'expérience, ils sont habitués à faire des compétitions. Puis nous autres au Canada, on n'en fait pas beaucoup parce que c'est vraiment cher, fait, peut-être en faire plus, ça aiderait. Mais ça, j'imagine que c'est très dispendieux, tu viens de le dire, c'est des finances, c'est quoi? Parce que si t'es rendu à Abu Dhabi, c'est pas à côté, là. Qui te paye là-dessus? Est-ce que c'est tes parents? Tu as une levée de fonds? Le Judo Canada peut-être? Comment ça fonctionne? Ben avant, c'était mes parents, mais maintenant, je suis brevetée, fait que je suis payée pour faire du judo, fait que maintenant, je ne paye plus. OK, OK. Donc, évidemment, c'est tout Judo Canada qui te paye, c'est ça? Ouais. OK. Là, il arrive quoi au cours des prochaines semaines pour toi, là? On va avoir des compétitions nationales. OK. Puis après, on va avoir un gros break. Puis avant Noël, je vais aller m'entraîner au Japon. Au Japon, OK. Et ça, j'imagine que de ce côté-là, t'entraîner au Japon, j'imagine que ça va t'apporter. Qu'est-ce que ça va t'apporter d'être entraîné au Japon? Bien, eux au Japon, c'est les meilleurs. Fait que si ils entraînent avec les meilleurs, c'est comme ça qu'on devient bon. Ouais. Alors, ça va être tout. OK, OK. Y a-tu un classement, en fait, pour déterminer qui est la meilleure? Un peu comme à la boxe. Quoi? Y a-t-il un classement qui existe dans au judo, un peu comme à la boxe, un peu comme les arts martiaux mix? On sait qui est la meilleure et on sait qui est la deuxième, troisième. Est-ce que ça existe dans ta discipline? Oui, mais c'est plus pour eux autres qui sont seniors. OK. OK. Moi, je suis pas encore senior. OK. Ben, Marie Besson, félicitations quand même. C'est pas rien ce qui est arrivé dernièrement, les battre à Abu Dhabi. Et bonne chance, on va te suivre de très près. Merci Marie beaucoup. Besson de Dolbeau-Mistassini.